cassons, la Réunion nous toutes cassons, en Haïti nous toutes cassons, en Jamaïque nous toutes cassons, la Dominique nous toutes cassons, en Afrique nous toutes cassons, Calédonie nous toutes cassons, aux Caraïbes nous toutes cassons, c'est Dominique nous toutes cassons, c'est Cloutier nous toutes cassons. En Guadeloupe nous toutes cassons, en Martinique nous toutes cassons, la Guyane nous toutes cassons, la Réunion nous toutes cassons, en Haïti nous toutes cassons, au Jamaïque nous toutes cassons, la Dominique nous toutes cassons, en toute l'Afrique nous toutes cassons, Calédonie nous toutes cassons, aux Caraïbes nous toutes cassons. Yeah.